mais quand il faut que cette personne ronge là-dessus. Mais le travail du père, s'il est laborieux, c'est un homme qui de sa vie n'a été bu, c'est rangé, c'est doux comme un Jésus. Ça ne demanderait au bon Dieu pour toute récompense que de faire durer les jours 48 heures pour pouvoir gagner un peu plus de pain pour sa marmaille. Son travail lui rapporte donc bien peu. Il a été alité pendant 3 mois, et c'est ce qui l'a arriéré. Sa femme s'est abîmée la santé en le soignant, et à 7 heures, elle est moribonde. C'est pendant ces 3 mois qu'il a fallu vivre avec les 12 francs de Louise, et avec ce qu'ils ont emprunté sur gage à la mère Burette, et aussi quelques écus que lui a prêté la courtière en pierre fausse pour qui il travaille. Mais 8 personnes, j'en reviens toujours là, et si vous voyez leur bouge. Mais tenez, monsieur, ne parlons pas de ça, voilà notre dîner cuit, et rien que de penser à leur mansarde, ça me tourne l'estomac. Heureusement, monsieur Bras Rouge va en débarrasser la maison. Quand je dis heureusement, ça n'est pas par méchanceté, au moins. Mais puisqu'il faut qu'ils soient malheureux, ces pauvres Morel, et que nous n'y pouvons rien, autant qu'ils aillent être malheureux ailleurs, c'est un crève-cœur de moins. Mais si on les chasse d'ici, où iront-ils? Dame, je ne sais pas, moi. Et combien peut-il gagner par jour, ce pauvre ouvrier? S'il n'était pas obligé de soigner sa mère, sa femme et les enfants, il gagnerait bien 4 à 5 francs, parce qu'il s'acharne. Mais comme il perd les 3/4 de son temps à faire le ménage, c'est au plus s'il gagne 40 sous. En effet, c'est bien peu. Pauvres gens. Oui, pauvres gens, allez, c'est bien dit. Mais il y en a tant de pauvres gens que, puisqu'on n'y peut rien, il faut bien s'en consoler, n'est-ce pas, Alfred? Mais à propos de consoler, et le cassis, nous ne lui disons rien? Franchement, madame Pipelet, ce que vous m'avez raconté là m'a serré le cœur. Vous boirez à ma santé avec monsieur Pipelet. Vous êtes bien honnête, monsieur, dit le portier, mais voulez-vous toujours voir la chambre d'en haut? Volontiers. Si elle me convient, je vous donnerai le denier à Dieu. Le portier sortit de son antre. Rodolphe le suivit.